السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pour les livres, il n'y en a plus pour aujourd'hui, mais demain, inshallah ta'ala. Hakada, demain, il y en aura. Demain, inshallah. Demain, le fait que notre frère Sadr est en voyage, Mada, on fera quoi? Demain, après Salat al-Asr, on continuera l'étude de Kitab al-Tawhid, inshallah ta'ala. Et il y aura la distribution de livres pour ceux qui ne l'ont pas. Hier, nous avons étudié le chapitre numéro 23, Babu Maja fi Sihr, concernant la sorcellerie. On a cité la définition du sihr dans la langue arabe, également dans la terminologie, ainsi que le jugement du sorcier, la gravité de la sorcellerie, ainsi que son jugement. Donc, al-sihr min akbar al-kaba'ir wa huwa dakhil fi shirk billah wal-kufr. Donc, la sorcellerie est un péché grave qui entre dans le polythéisme majeur. Cela car le sorcier ne peut devenir sorcier si ce n'est en faisant un pacte avec un shaytan. Ce dernier lui demande de mécroire, lui demande d'apostasier et de faire des actions qui annulent l'islam et le tawhid de la personne. En insultant Allah par exemple, wa li'iyadu billah, en insultant l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou en marchant sur le Coran, en l'écrivant avec le sang des femmes et d'autres choses qui entrent dans la mécréance. Ainsi, beaucoup de savants ont dit, tout sorcier est forcément mécréant car il ne peut atteindre ce niveau si ce n'est en pratiquant des formes de mécréance. Et l'auteur a cité deux versets dans lesquels on voit le jugement du sorcier, le jugement de la sorcellerie. Donc le sorcier est un kafir, la sorcellerie est du kufr. Et ceci était pratiqué par les gens ayant fait scission avec la voix de l'islam et de leur prophète, alayhi as-salatu wassalam. Comme Allah dit dans le Coran, yu'minuna bil jibti wa at-ta'ut, en blâmant les gens du livre. On a également récité le hadith de Abi Hurayrah radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ijtanibu sab'a al-mubiqat, éloignez-vous des sept péchés causant la perte de la personne. On a expliqué qu'al-mubiqat étaient les péchés qui anéantissaient la personne dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné au sujet de ces sept péchés capitaux, il répondit Ash-shirku billah wa sihr, jusqu'à la fin du hadith. Wa min bab al-fa'ida dhakara al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadha al-hadith wa ikhtasarahu hakadha. Dhakara fa qala ash-shirku billah wa sihr, intaha. Yani yurid an yunabbiha ala anna hadhain al-naw'ayn هما أعظم الموبقات رحمه الله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité parmi les péchés causant la perte de la personne le polythéisme et la sorcellerie. La sorcellerie entre dans le polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici l'a cité après le polythéisme pour montrer la gravité de la sorcellerie et la dangerosité de la sorcellerie parmi les différentes formes de polythéisme. On a également vu le jugement et la peine infligée aux sorciers, fid-dunya, et le châtiment dans l'au-delà est bien plus douloureux et durable. Wallahu musta'an. Et aujourd'hui, nous entrons dans le chapitre numéro 24, bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala, wa tawfiqihi wa i'anatihi. إيانا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر. L'auteur nous dit dans ce 24e chapitre, le chapitre de l'explication de certaines formes de sorcellerie, de certains types de sorcellerie. أي ما هي حقيقتها وحكمها. Ici, il va nous citer certains types de sorcellerie. Il nous les explique et nous cite également le jugement de ces pratiques. مناسبه الباب لكتاب التوحيد. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي قبله في السحر وبين حقيقته وحكم وحد ساحر، هنا أراد بيان بعض أنواع الشرك لكثرتها ولكثرة وقوعها ولجهل الناس عن حقيقتها. L'auteur رحمه الله تعالى nous a déjà parlé du polythéisme de manière détaillée. Et dans le chapitre précédent, il nous a parlé de la sorcellerie. Il nous a cité son jugement, il nous a montré sa gravité et le fait que ceci faisait sortir la personne de l'islam. Puis, il fait suivre le chapitre de la sorcellerie par le chapitre, ce chapitre comportant des détails sur des types de sorcellerie. Pourquoi ? Car la sorcellerie englobe de nombreux types d'actions de parole. Et ce qu'a cité ici l'auteur sont des choses qui peuvent arriver ou qui arrivent souvent, mais qui sont ignorées par bon nombre de personnes. Alors il nous a signalé ces sortes afin qu'on puisse nous en éloigner. أراد بيان بعض أنواع الشرك لكثرة وقوعها وخفائها على الناس حتى إن البعض من الجهال إذا رأوا من هذه الأمور ربما أحدهم يظن أنها من كرامات الأولياء وما آل هذا الأمر أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فحق لأهل التوحيد أن يبينوا للناس على وجه التفصيل أنواع الشركيات ومنه السحر وفقنا الله وإياكم. Donc l'auteur a spécifié certaines formes de sorcellerie qui peuvent être ignorées ou ne pas être connues par beaucoup de personnes, au point ou lorsqu'on trouve des formes de sorcellerie mises en pratique par certaines personnes donc égarées, tu peux trouver des ignorants penser de ces gens-là que ce qu'ils ont fait n'est que le fruit de l'amour d'Allah et que ce sont des rapprochés d'Allah et que ce sont des miracles d'Allah qu'on voit entre leurs mains, alors que ce sont des sorciers et qu'ils n'ont aucune part dans l'au-delà s'ils meurent ainsi. Donc ce sujet mérite d'être cité, exposé et développé. أيضا أراد الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الباب أن يبين أن ثمة أشياء تدخل تحت مسمى السحر لكنها ليست ماذا هي السحر بحقيقته الذي يعني ذكرناه في الباب السابق. فعلى الطالب يعني بحقيقة شرعية وفي الاصطلاح ك كما ذكرناه في الباب السابق فينبغي للطالب لطالب العلم أن يفرق بين هذا وهذا بين هذا وذاك. Donc l'auteur a également cité ce chapitre pour nous dire qu'il y a des choses dans les textes qui sont appelées sorcellerie et pourtant ne sont pas concernées par la réalité de la sorcellerie dont nous avons parlé hier. C'est-à-dire dans laquelle il y a la demande d'aide aux shayatines et dans laquelle il y a forcément de la mécréance. فعند الإطلاق الخاص ينطبق على ما ذكرناه ماذا بالأمس وعند الإطلاق العام نرجع إلى الحقيقة اللغوية بأن السحر يدخل فيه كل ما خافي ودق سببه ولطف. Donc, des fois, tu vas entendre le mot sorcellerie pour des choses qui entreront dans le chapitre d'hier, c'est-à-dire la mécréance majeure, dont vous avez tous entendu la gravité. Et par moment, tu entendras l'appellation sorcellerie, mais ça reviendra plus au sens linguistique, c'est-à-dire qu'il y a un effet caché, d'accord ? Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme on le verra incha'Allah ta'ala, inna min al-bayan ila sihra. Il y a dans l'éloquence une sorcellerie. Il y a dans l'éloquence une sorcellerie. Du fait que la personne, de par son éloquence, arrive à tromper les gens, à duper les gens en leur montrant le faux vrai et le vrai faux. Donc il y a de la sorcellerie de quel point de vue ? Du point de vue linguistique, pardon. Car il affecte la personne. Et le trompe d'une manière cachée et subtile. Ça, ça revient au sens linguistique. Non pas car il a recherché l'aide auprès des shayatins et a mécru en Allah tabaraka wa ta'ala. Mafhoum had. Donc, on appellera sorcellerie lorsque la personne réussira à tromper les gens en changeant le vrai par le faux et le faux par le vrai. Ou bien bil-khidah. Hakada barakallahu fikum. Donc, l'étudiant doit faire la distinction entre ces deux choses qu'on appelle sorcellerie. Ce qui revient au sens linguistique, il y a un effet caché, subtil, et ce qui revient au sens dont nous avons parlé hier. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala Ahmed, Abu Abdullah Ahmed ibn Hanbal, imam Ahl al-Sunnah. أحد الأئمة. Donc, قال أحمد الإمام أحمد دي. Donc c'est l'imam connu, أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى, celui par lequel Allah عز وجل a secouru la sunna à son époque, celui qui a lourdement été éprouvé dans Fitnatu Khalqi al-Qur'an, lorsque les gens ont prétendu que le Qur'an était créé, qu'ils ont éprouvé les gens dans cette innovation, et ceux qui ne les suivaient pas risquaient leur vie. Comme cela est arrivé pour certains savants qui ont été torturés au point d'en perdre la vie. D'autres, parmi les gens de la masse, pareillement. Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, restait ferme et disait « Al-Qur'an kalamullah » Le Qur'an est la parole d'Allah. Amenez-moi une preuve dans le Qur'an ou la sunna que ce n'est pas la parole d'Allah. Et ils n'ont pas pu le faire. Il a donc été emprisonné. Il a été torturé. Et malgré ça, il n'a pas donné l'ordre de sortir contre les gouverneurs. Contrairement au fatwa batila qu'on entend mada ces jours-ci dans les événements qui ne sont pas loin de nous. Allah musta'an. Haddathana Muhammad ibn Ja'far wa al-mashhur bi Ghundar al-Hudhal al-Basri thiqah. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala dit Mohammed ibn Ja'far nous rapporte. Il est surnommé Ronda. Parce que vous voyez dans les chaînes de transmission, souvent vous voyez ce surnom Ronda. Qala haddathana Auf an Hayyan ibn al-Ala. Haddathana Qatan ibn Qabisah an Abih. Qabisah ibn Mukhari al هلالي وصحابي رضي الله عنه ما أعرف ضبط اسمه بالضبط أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. ذكرنا في دروس مضت أن معنى الجبد ماذا؟ السحر. قال عوف ومن أتباع التابعين: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبد قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. أحمد رحمه الله dit محمد بن جعفر nous a rapporté que عوف nous a rapporté selon حيان ابن العلاء qui a dit que Qatan ibn Qabisah nous a rapporté d'après son père qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Al-Iyafa, Al-Tarq et Al-Tiyara font partie du Jibd. Al-Jibd, on a expliqué dans les cours précédents que Omar ibn Khattab radiallahu anhu avait expliqué ce mot comme étant la sorcellerie. Comme étant la sorcellerie. Et c'est ce qui est voulu dans ce texte ici. Et on a vu que le sens du mot Al-Jibd était plus général que celui-ci. هذا أخرجه أحمد في المسند وأبو داود وابن حبان وضعفه بعض أهل العلم للين في حيان بن العلاء وكثير من أهل العلم أثبته وكثير من أهل العلم أثبته كالمنذري وشيخ الإسلام والشوكاني والنووي وغيره. قال عوف: العيافة زجر الطير. في l'auteur a cité les paroles des plus prédécesseurs pour expliquer ces formes qui entrent dans la sorcellerie. العيافة consiste à effrayer les oiseaux. Al-iyafa masdaru 'af yu'afi 'iyafatan ma'khudhun min 'afa ash-shay idha tarakahu. Zadru at-tay lit-tasha'um aw at-tafa'ul bisabab mamarriha. Ya'ni yukhawwif at-tay fa tatir at-tuyur fa idha dhahabat شمالا تشاءم بهذا الممر وإذا ذهبت يمينا تفاءل من هذا الممر وهذا من سفه المشركين. فيحرك الطير ثم ينظر إلى اتجاهه ويفسر هذا الاتجاه بالخير أو الشر. إذن يعني أدخل هذا في السحر. لماذا؟ لأن الأثر في قلب الشخص خفي. لأن الأثر في قلب الشخص خفي يؤثر في النفوس. وبهذا قد يزعمون ماذا؟ معرفة المغيبات. دونك العيافة pour expliquer ce terme, c'est le fait d'effrayer des oiseaux. Donc c'est une pratique qui était faite dans la période islamique chez les Arabes. Lorsqu'ils voulaient faire quelque chose, s'avancer dans un projet ou autre, il y avait un groupe d'oiseaux. Ils les effrayaient pour les faire voler et les faire partir dans des directions. Puis ils analysaient la direction prise par ces oiseaux. Vous comprenez ce que je dis ? Ils effrayaient les oiseaux, puis observaient la direction prise par ces oiseaux. S'ils allaient vers la gauche, alors pour eux c'était une mauvaise augure. S'ils allaient vers la droite, alors ils étaient optimistes dans leur projet. Vous avez compris ? Donc ils effrayaient les oiseaux, puis observaient la direction prise par ces oiseaux. S'ils partaient vers la gauche, alors c'est le mal. S'ils partaient vers la droite, alors on peut espérer tout le bien. C'est ainsi qu'il procède. Et suite à cela, certains prétendaient même pouvoir informer les gens d'événements futurs. Certains prétendaient pouvoir informer les gens d'événements futurs. Voici le sens de l'iyafa. L'iyafa, c'est donc faire peur à des oiseaux, puis observer la direction qu'ils vont prendre pour soit penser un bien, soit penser un mal. Ce qu'on appelle la superstition. Le deuxième mot est tarq. Tarq, il y a la connotation de turuq et chemin. يخط ماذا خط الخط يخطه بالأرض الخط يخطه بالأرض. Donc c'est, ça correspond à des traits que l'on trace au sol. يضعون ويرسمون خطوطا على الأرض. Donc comment est-ce que ça se manifeste, comment se met en pratique cette chose? Ils tracent des traits sur le sol, premièrement comme une route, comme une route, comme un chemin. Puis, ils font différents traits sur cette route. D'accord ? Ils font différents traits et se mettent, ce sorcier, ce kahin, ce devin. Donc, je répète, ils tracent deux traits tels une route sur le sol, sur le sable. Par la suite, il fait plusieurs traits. Par la suite, il fait plusieurs traits. Puis, il se met à effacer ces traits rapidement. Il se met à effacer ses traits rapidement sur le sol. Et il regarde ce qu'il reste. S'il reste deux traits, alors c'est bon signe. S'il reste qu'un seul trait, alors c'est mauvais signe. C'est une façon de faire. D'accord ? Une autre façon, selon ce qu'il reste, il prétend connaître l'avenir et le bien qui touchera la personne ou le mal qui touchera la personne. Donc c'est fait par Al-Kohan, par les devins. Il y a d'un ilm al-ghayb. Il y a t-il kahin. Il y a khutu khututan, yani kathiratan, ala l'ard. Thumma yamsahuha bi sur'a. Khattan, khattan, ou khattain, khattain. Thumma yanzur, yani maza baqiya min al-khutut. Wa yufassir ala tafsiri al-batil al-kadib. Donc, il trace plusieurs traits, puis les efface rapidement. Il les efface soit un par un, soit deux par deux, et il regarde ce qu'il reste. S'il reste un trait, c'est mauvais signe. S'il reste deux traits, c'est bon signe. Ou le contraire. Et d'autres procèdent de manière différente. Le troisième mot est tiyara. Le troisième mot est tiyara. Wa ismun jami'. Wa ismun jami'. Lima fi tasha'um au tafa'um. Wa ismun jami'un. أو اسم عام لما فيه تشاؤم أو تفاؤل بشيء من الأشياء وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في باب مستقيم تعريف آخر التشاؤم بمرئي أو مسموع التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. الطيره, c'est ce qu'on appellera en français la superstition. C'est pas traduit dans le livre. نعم, ils ont mis الطيره. طيب. Donc الطيره, c'est la superstition. C'est le fait de penser du bien ou du mal suite à une chose qu'on voit, qu'on entend, ou une chose dont nous avons eu connaissance. Ou une chose dont nous avons eu connaissance. Le fait d'avoir de la superstition suite à une chose que l'on voit, que l'on entend ou que l'on sait. Et comme je l'ai dit, il y aura un chapitre en détail sur ce point-là. Parmi les formes connues de superstition, en France, lorsque certaines personnes croisent un chat noir, ils disent alors ce sera une mauvaise journée. Ou ils ont l'expression « shirkiya, je me suis levé du pied gauche ». ou le fait de passer sous une échelle, et ce genre de choses. Rencontrer un tel, c'est mauvais signe. Voir telle personne, c'est mauvais signe. Wahakada. Tel mois est mauvais signe. Telle couleur est mauvais signe. Tel jour est mauvais signe. Wahakada. Donc tout cela entre dans la superstition. Et c'est haram et ça entre dans le shirk. Ça peut entrer dans le shirk asrar, ça peut entrer dans le shirk akbar. Donc la personne pense que c'est une cause pour amener le bien ou repousser le mal. Ou lui amener le mal. Elle a pris cela en tant que cause alors que la législation ne nous enseigne pas cela. Ça entre donc dans le polythéisme mineur à la base. Et on ne considérera pas cela comme étant at-tiyara, comme on la comprend dans les textes. Illa idha raddathu an ma arada. Ou ja'alahu yuqbil 'ala ma arad. Et on considérera que c'est de la superstition qu'il a le jugement de celui qui met en pratique la superstition dans le cas où il délaisse une chose qu'il voulait entreprendre suite à cette superstition. Ou il se met à faire une chose suite à cette superstition. Alors à ce moment-là, il sera tombé dans le shirk. Wal'iyadu billah. C'est le polythéisme mineur à la base. Et on appelait cela at-tiyara. On entend la notion de tayr, d'oiseau. Alors que at-tiyara, c'est bien plus général. C'est la superstition de manière générale. Comme je vous ai dit, ça peut être avec une chose qu'on entend, ça peut être une chose que l'on voit, ça peut être une science, comme un jour et autre. Pourquoi alors est-ce qu'on appelait cela at-tiyara? Car ghaliban, عند العرب, كان هذا بالطيور. Car la plupart du temps, cette superstition avait lieu chez les Arabes par les oiseaux, avec les oiseaux. Donc la définition du mot at-tiyara, c'est at-tasha'um bimar'i aw masmu' aw ma'loum. C'est la superstition due à une chose que l'on voit, que l'on entend ou que l'on sait. Wal-jibtu. Quant au jibt, Al-Hassan a dit à son sujet, concernant ce sujet, il s'agit de l'inspiration de Satan. Rannatu al-Shaytan. هذا تفسير طيب الحسن هو الحسن البصري والتفسير تفسير بعض أفراده رنة أي صوت وجاء عند أحمد بلفظ إنه شيطان هكذا والذي ذكره المؤلف هنا لعله أخذ من تفسير ابن كثير أنه يوجد لفظا إسناده جيد Donc, Al-Jibd, Al-Hassan al-Basra, rahimahullah ta'ala, expliquait en disant à son sujet, il s'agit de l'inspiration de Satan. Ranna, c'est saut, c'est la voix. Ils ont probablement traduit ici par inspiration, car certains savants expliquaient par wahyu shaytan. Par wahyu shaytan. Donc la traduction n'est pas fausse. وفقهم الله. Et la base de tout ça, sans aucun doute, c'est Shaytan. C'est lui qui est à la base de l'égarement du fils d'Adam. Ses propos ont été rapportés. Wali Abi Daoud, والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. Ses propos, donc ce que nous venons de lire, ont été rapportés selon une bonne chaîne de transmission, de même qu'ils ont été rapportés par Abu Daoud al-Nasa'i ibn Hibban dans son recueil de hadith authentique. Sans les explications des pieux prédécesseurs, le texte, sans les explications des pieux prédécesseurs. Munasabatul hadith lil-bab. Donc les savants, comme je vous ai dit, ont divergé sur l'authenticité de ce hadith. Certains ont dit qu'il était faible. D'autres ont dit qu'il était acceptable. مناسبة الحديث الباب بيان أن العيافة والطرق والطيرة من السحر. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit que ces choses-là, al-iyafa, al-tarq et al-tiyara, entrent dans l'appellation de la sorcellerie et entrent dans la sorcellerie. استفاد من الحديث تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي أصل التوحيد. On tire de ce hadith l'interdiction de prétendre connaître les choses du futur. Fait de prétendre connaître l'avenir, du fait que ceci annule asl al-tawhid, la base du tawhid de la personne. Celui qui prétend connaître les choses de l'invisible, il aura annulé son islam. Et cela fait partie des annulatifs de l'islam. Allah dit dans le Coran, « قُلْ لَا يَعْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ » Dit « Personne ne connaît dans les cieux. » « قُلْ لَا يَعْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ » Personne ne connaît dans les cieux ni sur la terre les choses de l'invisible, si ce n'est Allah. Donc celui qui prétend connaître les choses de l'invisible, le futur, aura démenti Allah Azza wa Jalla dans le Coran, aura démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. تحريم الطيارة لأن تنافي إما أصل التوحيد أو كمال. L'interdiction de l'augure, la superstition. Car ceci annule le tawhid de la personne ou diminue sa perfection. Car on verra que tiara peut être dans le polythéisme majeur et peut également être dans le polythéisme mineur. A'adana Allahu wa iyyakum min ash-shirk. Hadha alladhi tayassara li al-yawm. Voici ce qu'Allah Azza wa Jalla m'a facilité pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. On continuera ce qu'Allah Azza wa Jalla nous facilitera demain après Salat al-Asr.